divertissant. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Marie-Laurent Sondet sera avec nous pour sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. On achètera des choses inutiles dans ce qui existe, mais ça ne devrait pas, on l'a, si on a le temps. Assemblage requis, avance tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 19 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, on est bien en direct. Il est 7h43. On vient d'une panne de courant qu'il y a eu pendant la nuit. Assez fou. Donc, bien, vous avez sûrement vécu vous aussi, mais on ne diffusait pas. On vient de revenir en ondes. Oui, moi, j'aimerais ça que les gens appellent pour nous dire dans votre secteur c'était à quelle heure, parce que là, on comprend plus rien. Ouais. Et si vous avez un animal perdu aussi, 819-376-583. Non, on n'est pas ce genre de radio-là. On fait pas les messages. Mais les gens pensent qu'on fait les messages. Ah oui. Si vous voulez souhaiter un anniversaire ce matin, ça va être à 9h15. Oui. Donc, appelez tout de suite. On va mettre la chanson de François Pérusse, là. On va faire des ballons, tout ça. Avec des petits clowns. Ça n'a jamais été fait nulle part. Mais non, c'est ça. Non, on n'est pas ce genre de radio-là. On est le genre de radio à contenu, nous. À la place. Pour vrai? Une radio à contenu. T'aurais dû me le dire avant. Avoir su, tu sais. Donc, on va avoir un plan un petit peu écourté parce qu'on a commencé l'émission un petit peu en retard. Mm-hmm. Un petit peu à peine. Donc, on va faire à 8h30 Le Loisir bien plus qu'un jeu avec Marie-Laurence Audet qui s'en vient pour nous parler de ça, de divertissement, de choses qui se passent pour avoir du plaisir dans la vie. Mm-hmm. À 9h, on devrait recevoir les gens du QTR en spectacle pour la soirée de ce soir. Ça va être une surprise. Ça va être une surprise, parce que c'est ça, je n'ai pas entendu parler trop, mais quand même, à 9h, c'est supposé arriver. On va faire le poste d'écoute aujourd'hui. Ben oui. Tu nous as défriché un CD de la discothèque de C'est fou. Ouais. Un CD en anglais. Ouais. Y es-tu mauve? Non. Y es-tu rose? Y a du rose dessus. Y a-tu un article comme The? Non. Y a-tu un Le? Non. Y a-tu une moustache? Je pense que non. Est-ce qu'il est roux? Je pense que non. Non, ça va être long. Hein. On devrait jouer à qui est-ce en ondes. Si on voulait faire des quiz. Hein. Oh, un quiz visuel comme ça. Faudrait vraiment que je te sorte les... Il y a deux de mes amis qui jouaient sur Facebook, chacun chez eux, mais publiquement, si okay. on veut. Et leurs questions étaient juste totalement sublimes. Ça avait comme aucun lien, mais... Si je vous déniche ça, je vous en lis quelques-unes. Pour vrai, c'est de toute beauté. Génial. C'est vraiment, vraiment hot. Fantastique. Moi, je te dirais que j'ai comme pas tellement envie de retourner en musique parce qu'on vient de passer comme 2-3 pièces avant de commencer l'émission. Mm-hmm. J'aurais envie de commencer une chronique, mais je pense qu'on devrait quand même prendre le temps de s'installer comme faut, tu sais. Une petite chanson courte, mettons. Moi, je m'obstine pas. Tu t'obstines pas avec la destinée? C'est ça. Mettons. Si laisse aller la roue du destin. Et tourne la roue du destin, Mathieu. D'accord, je tourne. Je me raccrocher la vie. C'est quoi la toune, là, t'sais? Je sais pas, c'est une toune? Ouais, mais moi, je me suis dit, on a vu des ondes avec la panne de courant, fait que je peux chanter n'importe quoi. T'sais. Non, y'a personne de toute façon. Y'a personne, on vient de revenir en ondes, littéralement. C'est le temps de baisser tes culottes, personne qui regarde. C'est ça, là, c'est maintenant que ça se passe, maintenant ou jamais. T'sais. C'est une offre d'une durée limitée, comme on appelle. On s'en va entendre une nouvelle pièce de Lubic sur le palmarès francophone. Voici L'Essence au 89.1 FM. C'est fou. Puis bon matin, hein? Bon, très bon matin. Ça commence bien. Comme ça. Pas mal de ça des matins, là. We'll be right back. l'essentiel, le plan d'y croire est un réel bâti pour que rien ne s'écrase. Entouré de l'essentiel, le plan d'y croire est un réel bâti pour que rien ne s'écrase. Par Lubic, deuxième extrait de l'album jusqu'au bout à Assemblage Rocky. J'ai un secret à t'avouer, Stéphanie Paradis. La panne de courant, là. C'est ta faute? Ouais, c'est ma faute, c'est parce que j'ai pas payé le compte d'électricité parce que j'ai acheté trop de gadgets dans. Ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la colline des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette juste après. Même aussi, tu as fait buy it now, tu le regrettes. Commençons avec une façon de. Comment dire? D'accorder votre guitare de façon automatique. Il y a plein de gadgets pour ajuster ta guitare, Steph, mais là, c'est l'ultime gadget, le Automatic Guitar Tuner. En plaçant ce tuner haute technologie sur les petits boutons là, qu'on tourne, les clés à molette. Les monkey wrench de votre guitare, les gallipers de votre instrument de musique. Donc vous allez évidemment faire un petit mouvement de strum sur votre corde pour jouer une note et ça va automatiquement l'accorder à la bonne note. C'est opéré par pile, oui, et ça va donc accorder votre guitare physiquement en quelques secondes pour 99$ américains. Je pense que c'est un bon investissement pour sauver du temps parce que même si t'es capable de le faire sans ça, ça va plus vite avec ça. Exactement. Et tu peux le faire vraiment entre deux chansons pendant le spectacle si ça se désaccorde. Mm-hmm. Pour 123,80$. Au lieu de faire chier ton public, genre. Attendez-moi. Ça va pas long. Grimper les arbres et infiltrer peut-être les appartements ou les maisons de vos voisins comme un vrai ninja en utilisant les handclaw spikes. C'est des bandes de nylon ajustables qu'on entoure autour des mains. Et il y a des pinces, pas des pinces, des genres de pics, si on veut, d'acier inoxydable, heavy duty, coupant comme des rasoirs qui vont vous permettre de vous agripper pour 23,49$ américains, 30$ canadiens. C'est un peu l'équivalent de griffes de chat, mais dans la paume. C'est exact, et on voit que ça entoure la main, c'est comme, ça fait pas un gant, mais presque, parce que les doigts et les pouces sont libres. Ouais. C'est autour de ta paume. Un peu comme les mitaines où tu rabats... tu rabats les doigts, mais sauf qu'il n'y a pas de doigts à rabattre. C'est ça. C'est exactement ça. C'est légal, ça! Si c'est légal, bonne question, parce que les points américains, on sait qu'il y a des restrictions là-dessus à pas mal d'endroits. Là. Ouais, tu pourrais smasher un coup de paume. C'est ça. C'est comme faire des gifles comme second degré. Extreme, ouais, mettons. Extreme slap. C'est presque, au lieu d'un point américain, c'est un point félin. Ça. Ah. Pas pire, ça. Ouais. Ensuite, rendez votre détecteur de fumée intelligent. Tu sais, Steph... tout est intelligent de nos jours. La phrase qu'on dit à chaque semaine, littéralement. Les montres, les colliers, les ongles d'orteils sont intelligents. Mais maintenant, vous pouvez rendre intelligent votre détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, avec les batteries intelligentes Roost. Oui, Roost comme un coq. Ah, OK. Un coq. Soudainement, ça t'intéresse un petit peu plus. Donc, t'as pas besoin d'acheter de nouveaux équipements parce que tu sais que des détecteurs de fumée intelligents, ça existe. Tu peux en acheter. Mais à la place, d'en acheter de nouveaux. C'est juste de remplacer la batterie. C'est une batterie intelligente. Ah, hein? Pas de hub, pas de fil, pas de besoin de changer les filages, rien. Une seule batterie intelligente et une application pour avoir la paix d'esprit. Donc, c'est la Roost Smart Battery, brevet en instance, qui va combiner une batterie au lithium et un système Wi-Fi dans une pile 9 volts, couplée avec une application de téléphone intelligent. Ça va vous donner des notifications sur votre téléphone quand l'alarme s'active, même si vous n'êtes pas à la maison. Ouais, ok, mais si t'es à la maison, souvent s'il y a un incendie, il n'y a plus d'électricité. C'est vrai. S'il n'y a plus d'électricité, t'as plus de Wi-Fi. C'est vrai. Ah, mais non, mais il y a le réseau Wi-Fi dans, dans la batterie, j'imagine, qui doit être indépendant. Je sais pas, j'espère, j'ose espérer. Parce que sinon, ça fonctionne pas, là. Ben, j'avoue, mais j'ose vraiment espérer. Attends un peu, là. Donc, une fois la batterie installée, ton détecteur de fumée va être capable de t'envoyer un message par ton téléphone aussitôt que le détecteur sera activé. Ça va vous envoyer aussi une notification pour les batteries faibles. Tu sais, des fois, on change pas assez souvent les batteries. On saute un changement d'heure une fois de temps en temps. Ah, on va le prendre au prochain. Ah, take the next one, you know? Donc, la batterie intelligente Roost a une durée de 5 ans, compatible avec n'importe quel détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. Ça utilise une batterie qui utilise une batterie 9 volts, donc le système. L'application est pour iOS 6 et Android 4.2 et plus. Ça va être envoyé en juin 2015. Disponible en précommande maintenant. Une seule Smart Battery pour 40$, 2 pour 65, 4 pour 120$. Vous pouvez visiter Roost, smartroost.net. C'est vraiment cool. L'idée est le fun et pour vrai, c'est pas mal plus facile que de changer ton détecteur de fumée. C'est une batterie. Pas long de batterie. Ben non. Pas long à changer. Ben non. Ensuite, Crime, on est dans l'électricité en cette émission où on a manqué de courant en début, pour ceux qui étaient là. Ceux qui sont d'accord, là. Donc, c'est un fil. Un robinet. C'est un robinet à fil. Mais un robinet en fait un fil, un robinet, parce que c'est pas un robinet ainsi qu'un fil. Le fil est lui-même un robinet, tu comprends? Donc, tu branches ça dans ta prise de courant sur le mur et tu branches ton appareil comme un iPhone. Et le courant passe seulement si tu dévisses la manivelle, pas la manivelle, mais genre de conduit, un peu comme le robinet. Le robinet, on va se le dire comme ça. Donc, c'est quand même assez simple de compréhension. Là, on tourne ça pour que ça fonctionne. Si on le retourne à la position originale, ça va éteindre le courant. Un câble USB est supposé être branché, donc pour évidemment... à recevoir ce courant-là. Le but est d'être plus consciencieux sur l'utilisation et l'énergie. Tu sais, moi, mettons mon fil pour iPhone, super long, que j'ai acheté parce que je voulais aller dans mon lit avec mon iPhone puis mon ancien fil t'a pas assez long. On s'en rappelle, tu sais. Donc, je laisse mon fil branché tout le temps dans le mur. Puis je sais que c'est pas bon. Parce que le courant passe un peu pareil. Peut-être pas autant, mais il passe pareil. C'est pas bon. Non. On devrait pas faire ça. Ah, ben moi, je le fais. Comme on m'a dit, ben tout le monde fait ça. Je pense que littéralement, tout le monde fait ça. Parce que c'est pratique. Ben, c'est ça, on est paresseux un peu l'envie, tu sais. Parce qu'on s'entend, des fois, c'est pas toujours accessible. La prise de courant qui est derrière le lit. Non, puis même ceux qui ont un dock pour mettre leur iPhone, juste un dock, un rack que tu mets ton iPhone dessus. Faudrait pas qu'il soit branché. C'est ça, lui-ci reste branché. Ah, c'est n'importe quoi. À la limite, je veux dire, on est tous responsables un petit peu de faire ça, de débrancher, mais on le fait pas. Bref, donc, dans la position off, vous allez économiser courant. 85% moins de courant que lorsqu'il est allumé. D'habitude, 15% continu. De faire indiquer la lumière du robinet dans le cas de ce truc-là. Donc, ça dépense un petit peu d'énergie quand même. C'est disponible en ligne pour 27$50 américains ou ça veut dire 35$ canadiens. Pas super. Mais ça prend de la place, hein? Ça, tu peux pas mettre ça en arrière d'un meuble. Non, j'avoue que c'est quand même assez gros. C'était un petit peu trop gros pour ce que c'est supposé être, mais ça voulait avoir l'air d'un robinet, donc... Mais c'est cool. Tu sais, ça fait parler la visite. Exactement. On leur donne raison là-dessus. Ensuite... Une autre affaire un peu bizarre, un peu comme une ancienne mode sur quelque chose de récent. On a parlé de robinet, quand même une technologie vieille sur un fil. Là, c'est un disque dur qui va être encrypté avec une combinaison steampunk, un petit peu de métal, avec un peu comme un truc pour barrer son vélo, tu sais. Ah ouais, ou une petite mallette, là. C'est ça, une petite mallette à combinaison. Ben, Nathalie Mallette, drôle. Mais il y a un truc de cuir après pour faire comme un attaché-caisse, et en plus, c'est une clé USB avec Alando. Donc, c'est la mémoire SSD, finalement. J'aime ça. Un lecteur pouce, un thumb drive, comme on dit en anglais. Donc, on peut encrypter les données de son appareil USB, protéger ses fichiers avec ça. Donc, c'est le Cryptex. C'est protégé par un code, un contenant spécial avec une combinaison mécanique. Donc, Cryptex, c'est vraiment. C'est pas un groupe qui fait du dubstep, ça. Cryptex. Je pense que oui. Ça se peut très bien. Donc, c'est mécanique, hein, c'est des vrais numéros. C'est pas une combinaison numérique. Il y a rien de récent là-dedans. C'est vraiment avec des trucs qui tournent à l'intérieur, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Bref, c'est cool. C'est la même technologie que les centaines d'années. Donc, à l'intérieur du cylindre, il y a un contenant où on peut garder un morceau de papier avec des données secrètes aussi. Oh, mais ça, on se sent comme important. Oui. Puis la combinaison, c'est quand même, c'est quoi? C'est 5 chiffres, là? Oui. C'est... Personne peut deviner ça. Personne. Donc, c'est ça va coûter 49$ américains. Ça, c'est environ 60$ canadiens. Et c'est évidemment un lecteur qui serait disponible si vous oubliez le chiffre, le numéro, le nombre. La combinaison. Ensuite, c'est un oreiller. Là, on revient dans le présent vraiment avec... tu sais que les gens ont l'air d'avoir récemment découvert les emojis. La communauté geek utilise ça depuis genre une dizaine d'années, mais on vient découvrir ça dans le petit peuple québécois. Les emojis. Donc, vous pouvez vous procurer un emoji de Kika. Ouais. Ouais, mais en toutou, en petit coussin, avec des yeux, puis tout ça. C'est la poop emoji pillow. The crappiest pillow you can get, comme on dit. Super confortable pour 20$ américains, ça c'est environ 25$ canadiens. Et apparemment que c'est bien populaire parce que c'est tout vendu en ce moment. Mais il est sympathique, ça pourrait à la limite être une pépite de chocolat. Tout à fait. Mais avec des petites barres dedans. Tout à fait. Ouais. C'est vrai. Puis Colin, il est bien accompagné sa photo. Allez voir sur assemblagerequis.com. Il a trop dedans. Ah, jamais trop dedans. Ensuite, on reste dans le domaine du caca. En fait, la raison, j'ai mis le poop emoji pillow, c'est pour aller avec le prochain parce que je trouvais que ça fitait bien ensemble. C'est une chemise avec, si tu la regardes de loin, absolument rien de spécial. Si tu regardes de proche, des petits émoticônes de caca aussi. Oh, come on! Et des souliers avec le même pattern dessus. Oh my god! C'est par Better Brand. Donc, de loin, ça a vraiment l'air juste complètement normal d'une chemise que tu porterais au bureau sans aucun problème. Mais c'est ça, c'est pas le cas. Non, il y a juste des amis proches qui peuvent vraiment constater ton look. Proche à moins d'un mètre, mettons, tu sais. Mettons, là. Dans et, un espace. Et observateur aussi. Et observateur. Quand même. Dans un bureau à air ouverte, comme on a ici, tout le monde le verrait. Mais dans n'importe quel bureau, personne ne verrait ça. Mais ça reste brun, tu sais. Ça fait pas nécessairement une belle chemise. Ça c'est reste vrai. Brun. Ça juste là, je trouve que de loin, ça a l'air, tu sais, des images dans un livre qu'il fallait que tu décroches, que tu crosses tes yeux pour le voir. Ouais. Ça ressemble à ça un petit ouais, peu. C'est vrai. Ouais. On va faire. Quelques derniers. Rapidement. Ouais. Rapidement, on se garde. Ça, on reste dans le caca. Moi, j'ai fait un bloc thématique, puis ça paraît sans. En fait, je le savais, c'est ce que je m'en rappelais plus, j'avais fait ça. Mais je devrais pas le dire dans ce temps-là. Hey, je t'ai fait un bloc thématique sur le caca, Steph. Juste pour toi. Merci, ça me touche. Ben oui. Ça te touche les fesses, parce que tu vas pouvoir t'essuyer avec un papier de. Je m'entorche. Ah, je m'entorche, l'expression ah, là, connue. Dedans, la catchphrase de Steph. C'est du papier de toilette avec du sudoku dessus. Ah? Tu sais, quand on dit tout le temps sudoku qu'on fait des jeux de mots. Quand t'aimes pas les mathématiques. Non, c'est quand t'aimes pas les mathématiques. Okay. Tu peux carrément te. T'entorcher. Ouais. C'est ça. Mais bref, sudoku, moi je l'écrirais avec CUL, puis ça serait bien drôle. Donc, si vous emmerdez à la toilette, à la salle de bain, apportez votre crayon, bien sûr. Hein? Ah, si tu t'emmerdes. Si tu. Oh! Hey! Donc, amène ton crayon et fais des exercices de muscles, fessiaux et du cerveau. Donc, vous allez vraiment vous entraîner des deux bords, comme on dit. C'est comme une gastro d'intelligence. vous pouvez aussi vous amener un rouleau de plus, j'imagine, pour avoir plus de facilité à écrire sur votre rouleau. Mais tu veux pas nécessairement gaspiller toutes les sudokus? Ben c'est ça, les sudokus. Donc 17$ américains ou 21$ canadiens en ligne. Le lien sur assemblagerequis.com. C'est un petit collier, le prochain, un collier joli. La forme est quand même assez exodécagonale, j'invente un mot, là, mais il y a plein de côtés. C'est comme un genre une forme bizarre. C'est une belle forme, on va se dire. Ouais. Et à l'intérieur, il y a une paire d'écouteurs. Ah? Ah! Donc, c'est les Stele Audio. C'est une technologie portable. C'est le Earbud Locket de cette compagnie-là. C'est super stylisé. C'est un octogone qu'on appelle. Un collier de cristal octogonal. Non. Il y a 6 côtés. C'est un hexagone. Puis il est plat en arrière, en plus. Fait que ça compte comme... C'est un hexagone. Ça marche pareil, hein, parce que c'est un hexagone. Une figure plane peut être un hexagone. C'est un hexagone. Et à l'intérieur, ben c'est ça, il y a une paire d'écouteurs Bluetooth dedans. Donc vous allez pouvoir écouter votre musique et les cacher discrètement dans votre collier. Évidemment, vous allez devoir porter le même collier à tous les jours, mais maudit qu'il est beau. Fait que moi, je vous en voudrais pas d'apporter ce même collier-là. Ah non, il est vraiment beau. C'est très chic. Ah oui, et la couleur, en tout cas, je sais pas si c'est la couleur du collier ou la couleur du reflet de la lumière sur le collier, mais c'est un genre de bleu azur que j'aime bien. Ouais. C'est bien beau. Donc, des drivers de 6 mm pour ceux qui comprennent les histoires de qualité sonore d'écouteurs. Il y a un microphone intégré pour permettre de prendre des appels. Et le côté, un bouton de volume et de contrôle des appels. Une batterie rechargeable lithium-ion qui vous donne 10 heures de lecture. Et le Earbud Locket va sortir très bientôt. Va être disponible en deux couleurs. Ah, tiens, ça dit. Donc, Midnight, c'est un genre de Onyx. Ça, c'est un genre de gris foncé. Ouais. Et un Sea Breeze, ça, c'est un bleu aqua, genre marine. Marine, non. Ben, disent à quoi marine, mais genre... Non, mais marine, c'est plus comme navy, là. Ouais, c'est ça. Mais bref, à quoi? Je pense que ce serait plus approprié. Ça vient avec un petit étui et une coquille extérieure avec 3 grandeurs d'embout pour mettre dans vos oreilles. Et le prix va être de 200$. C'est quand même pas mal cher. 250$ canadiens. Mais ça reste beau. Ah, que c'est beau. Ouais. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a assez fait. C'est un spécial de réponse. Là, absolument, fait ça le mercredi. Mais regardez, écoutez même pas. Les collègues maison, là, ils ont plus de cases horaires à ça. Fuck les règles, fuck les règles. Les liens sur assemblagerequis.com. Wow, je m'entorche. Ah, on prend une pause. Au retour, c'est le poste d'écoute. Yes. Avec Stéphanie Paradis, on va découvrir une nouveauté musicale. Ouais, madame. Puis plus tard, on aura aussi des loisirs bien plus qu'un jeu. Et écoutez, en spectacle. Restez là. Maintenant qu'on est parti, on arrête. Coup de découverte. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. À câblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, or ce jeudi matin, 19 février 2015, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et oui, et oui. Et c'est le moment de passer à la chronique de découverte par excellence. C'est le poste d'écoute. Hey, hey, hey, ho! C'est le poste d'écoute. Yeah. C'est quoi ça, le poste d'écoute? What the fuck? Dira-t-on? Parce que vous écoutez jamais l'émission. Puis là, je suis comme, ben là, comment? Hey, faut-tu être en retard, là? Vous avez comme manqué 800 épisodes. Tapez-vous ça en fin de semaine, là. Oui. sauf les quelques-uns, malheureusement, qui sont pas en balado. Ah, il y en a quelques-uns à cause de panne de courant, genre? Ouais, c'est ça. Les maudites panne de courant. Ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est pas grave. Là, vous êtes là. Ouais. On vit le moment présent. Oui. Et le poste d'écoute, moi, dans le fond, je m'avais fouillé dans les nouveaux arrivages de musique. Avec une lampe de poche, comme lors d'une panne de courant, maintenant. Oui, avec ma petite lampe frontale, qui a été très pratique hier soir, soit dit en passant. C'est très pratique d'avoir les mains libres, d'avoir la lumière quand même. On sous-estime. C'est tout un wireless, les lampes de poche, en plus, de nos jours. C'est ça qu'ils font. C'est la nouvelle lampe de poche wireless. Ouais, mais moi, elle est avec strap. Ouais, strap-on. C'est un strap-on, lampe de poche. Ouais, mais dans le front. Ouais. C'est comme un flashlight, mais sans l'orifice féminin au bout. Non, laisse pas. Ben, c'est un petit peu trop, là. Ouais, je vais trop loin. Hein, ouais, mais comme pas de... Non, non ouais. C'est gratuit. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, Mathieu, je te présente l'album Unreal de James Irwin. À ne pas confondre, soit dit en passant, avec l'astronaute américain, James Irwin. Pour vrai? OK. Ouais. Eh ben, parce que si Wikipédia te l'a dit. Hein. Si tu tapes ça, ah, c'est un astronaute. Eh ben, en fait, toutes les photos qui sortent, c'était vraiment comme un astronaute. J'ai comme, c'est-tu sa pochette qui est vraiment de mauvais goût? Ouais. Mais non, c'est un gars. C'est comme l'astronaute canadien qui chantait une chanson de David Bowie. Là. C'est là? James Hadfield, je pense. Ah, je sais pas. Ground control to Major Tom. Quand tu fais quelque chose comme ça, faut pas que tu sortes de musique. T'sais, admettons que t'es coureur automobile, mettons, c'est peut-être pas une idée de génie de faire un album. Non. Donc aujourd'hui, oui, Unreal de James Irwin. Donc le genre, écoute. Je t'écoute. Il y a bien du stock. James Irwin écrit des chansons et selon ses dires, à lui, hein, vit comme un moine sur la rue Jeanne-Mance à Montréal, car oui, il est originaire de la métropole. Cool. Donc, avant de commencer sa carrière solo en 2006, il a été membre quand même de plusieurs bands. C'est toutes des bands que je ne connais pas. Donc, The Moment, My People Sleeping, Paradise, Poor William et The Cold Choi. Les Triple C's, là. Hein? De quoi? J'étais capable de le dire dans ma tête hier soir. Il y a tellement de C là-dedans qu'il y a Guy Jodoin dans le porte-parole, ce band-là. Hein? De Cold Core. C'est ça. Genre. En tout cas. Donc, on pourrait caractériser la musique de James Irwin comme une musique plutôt ambiante. La majorité des mélodies d'Unreal sont lentes et enveloppantes. Un peu d'électronique, une touche d'indie folk, puis vous avez en gros du James Irwin. Ses influences musicales, je les connais pas vraiment non plus. Donc, on est vraiment dans quelque chose que je connais très peu. De la nouvelle musique, là. Complètement nouveau. Il n'y a rien de préétabli là-dedans. On sait pas à quoi s'attendre du tout. Non, pas du tout. Donc, ses influences musicales sont Jason Molina, Sunkill Moon, Bill Callahan, Cass McCombs, Gillian Welch, Kim Jong-il, Ban Ki-moon, Gandhi, Scott Towell, Scooby-Doo, Spiritualized, Randy Newman, Sam Cooke, Harry Nilsson, Paul Simon, Henry Miller, David Lynch et Werner Herzog. Iron Man, Neil Patrick Harris. Tout le monde est là-dedans. Deborah Sidney. Ah, il y a Mathieu Plante. Mathieu Plante. Tu sais que t'as pas de goût. Donc, ouais. Donc, si vous savez pas trop à quoi vous attendre, qu'est-ce que tu dirais qu'on ait écouté de première pièce? Oui. Okay. Fait que, on s'en va tout de suite d'écouter Everything Passed Me By. Dans le poste d'écoute. Scott Towell. truly hurt me. You said now I'm waiting, waiting for Julia to come for me. There's no one I'm gonna follow around here. The truth is I don't know what it was, but it was so clear. All anyone wants to do is lie down. Lie down right on the street, right on the driveway next to the blue spruce tree. Okay, change. Everyone wants to see it turn into a bell that rings like waves. Rings like murder and it rings like hope. Rings like murder and it rings like hope. Everything passed me by. Everything passed me by. 10 years ago, if I'd have known, if I'd have known. Which side are you on, Matthew? Will you keep my house or will you tear it down? I'm just watching the ponies on the carousel go round. Get off this island, trying to get across the river, trying to get out of town. I see Bonnie's waving way up in the sky. I've been high since I got to LA. I thought I was Harry Nilsson. I'd be walking on the beach and the vision would wash up at a bottle at my feet. Everything passed me by. Everything passed me by. 10 years ago. Out. Michigan, Miami. Dis de même, ça a l'air tellement attirant. Michigan, Miami. C'est comme un hot dog. Oui, c'est vrai, un hot dog Michigan, Miami qui serait vêtu d'un smoking rose, comme dans Miami Vice. Ah, voilà. Ouais. Et tout juste avant, c'était Everything Pass Me By. Et tout ça, c'est dans le poste d'écoute. Et on vient d'entendre deux extraits de l'album Unreal de James Irwin. C'est en janvier 2015 qu'Irwin nous a offert son album Unreal. Il succède à son maxi My People Sleeping, lancé en décembre 2012, ainsi qu'à Western Transport, sorti en mai 2012. Il a reçu de nombreux éloges de divers blogs reconnus dans le domaine musical, comme Set the Gramophone, comme meilleur album de formation indépendante de Montréal, album de l'année, meilleur album mélancolique de l'année, meilleur album psychique de l'année. Oh, wow! Hein? Donc, a été très... je dirais, voyons. Complimenté, prisé. Ouais, il y a eu beaucoup de fleurs de lancer de la part de blogs musicaux. Exactement. La deuxième, j'ai vraiment aimé plus la deuxième que la première. Elle était quand même pas mal la première, je trouvais. Oui, c'est ça. Donc, je te dirais que la majorité de l'album est très, très calme. J'ai essayé de sortir ce qui bougeait un peu plus pour nous réveiller ce matin. Ouais. Parce que j'ai encore les yeux qui chauffent, moi, parce que... La panne de courant puis la lumière qui a rallumé. Genre. Ah, c'est ça, ouais. Là. J'ai lâché un petit cri. Ah oui? Ça me surprend toujours. Je suis très moumoune. J'ai fait un vraiment gros saut. Tu sais, quand tout part en même temps, là. Ouais, ouais. Eh, Seigneur. Reboot. Je suis très moumoune. Ouais. Du noir. Puis de la lumière. Raciste. Donc, on va retourner tout de suite en musique, je pense. Que ça mieux, ouais. Et on s'en va entendre une autre pièce, Face Value. Et tout ça, c'est de James Irwin dans le poste d'écoute. When you're gone, I'm gonna know, no one wants to be alone. shadows so long. Walls are all nothing, and the shadows so long. Around Nothing de James Irwin. Et tout juste avant, c'était Face Value, toujours de James Irwin. Hein, c'est original. Mais ça, j'hésite si je préfère celle qu'on vient d'entendre ou la dernière du précédent bloc. Écoute, moi, c'était la première du dernier bloc. Du deuxième bloc ou du précédent dernier bloc, comme celui d'avant, comme le premier? Face Value. Face Value, celle qui vient de jouer avant celle qui vient de finalement, jouer. Finalement, c'était très bon. C'était un bon bloc, deux bons blocs. Quatre bonnes pièces. Ouais. Bon choix. Merci. Yay, le poste d'écoute, on fait ça les jeudis à Assemblage Rocky. Soyez-y. D'habitude, c'est à 9h. Là, ouais. C'est à 8h. Bon, tu sais, comme on le dit, les règles. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Alors voilà pour le poste d'écoute. On passe en publicité. On revient avec notre amie Marie-Laure Saudet. Et le loisir vient plus qu'un jour dans quelques instants. Bonne idée. Ça va être bon, ça. Ouais. culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis en ce jeudi 19 février 2015. Stéphanie Paradis est là. Mathieu Plante. Ah oui, ah oui. C'est toi. Ben, j'ai l'impression, ça ressemble pas mal à la voix de Mathieu Plante. Ça ressemble à ça, hein. Pas mal sûr que c'est lui. Mm-hmm. En tout cas, il peut pas être à deux places en même temps. Il peut pas être, mettons, à QTR en spectacle et à la Luître en même temps le même soir. Fait qu'il faut qu'il fasse des choix. Et à T'es pas game. Et imagine à T'es pas game. Si t'étais omniprésent comme Damien Robitaille. C'est une grosse soirée pour tout le monde. Mais bon. Donc, on va commencer ce segment avec Marie-Laurence Audet. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Salut Marie-Laurence Audet. Bon matin. Tu vas bien? Oui, et vous? Oui. Tellement. Ah. Tellement. Comment ça que ça va bien de même? C'est jeudi. C'est comme mon vendredi à moi. C'est jeudredi. C'est le dernier jour de la semaine radio, ça. Ah, c'est pour c'est ça. C'est ça. Donc, habituellement, t'es un petit peu plus tôt que ça. T'es à 8h, t'es à 8h30. C'est spécial aujourd'hui. J'avais envie de nous rendre visite de façon plus tardive. Ben, en fait, c'est UQTR en spectacle aujourd'hui. Arrête, bon non, ça, je savais pas ça. M'en va à Général pis tout. Pis tout. On va parler avec les gens d'UQTR en spectacle à 9h tantôt. Exactement. Mais pour l'instant, on se divertit avec ta chronique, le loisir bien plus qu'un jeu. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, check un bel sujet. On parle du loisir déviant. Eh oui, Mathieu. Le loisir déviant. Là, c'est pas des affaires dans le parc. Non, il se passe rien de louche là-dedans. Ah, comme la toune des trois accords, là. Ouais. On la chantera pas. Je me touche dans le parc. On la chantera. Ça y est. Tu l'as pas chanté, je l'ai dit. Tu l'as cité. C'est une citation. Non, c'est pas pareil. C'est pour ça que je devrais rencontrer plus tardivement pendant que les enfants sont rendus à l'école pour pouvoir vous parler du loisir déviant ce matin. Pendant que les enfants sont couchés. Passer 8h30, c'est 18 ans et plus. C'est correct, c'est ça. En fait, depuis le début de mes chroniques, puis de la façon que je vous en parle en général, le loisir est un élément très positif dans la société. On l'a vu, ça faisait partie du développement des communautés, du développement économique par la création d'emplois, que les gens, c'était pour leur bien-être aussi, tu sais, un équilibre, que ça maintenait la bonne forme physique, la santé mentale. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment positif. Par contre, comme n'importe quoi, une médaille, c'est de deux côtés. C'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. En fait, le côté qu'on appelle sombre du loisir, ça peut prendre plusieurs formes. C'est un peu dès qu'on est dans l'excès d'une pratique. Fait que par exemple, quelqu'un qui fait une exagération de la pratique sportive, qui peut soit causer des blessures, causer de la frustration, un sentiment de culpabilité, un épuisement. Donc, dès qu'on est dans l'excès, on tombe dans le côté déviant. C'est un peu comme Dark Side of the Moon, mais à la place, c'est Dark Side of the Phone. Comme ça. Oh! Phone. J'aime ça. Laisse faire. Non, moi, je l'ai trouvé bonne. Merci. Steph, elle a peut-être pas trouvé. Non. C'est trop facile. Ouais, trop facile. Ben, tu l'as pas dit. Ben, parce que moi, je me retiens de dire les faciles. Ça paraît dans sa face. Donc, comme je disais, le loisir, il peut être poussé plus bas, plus creux, plus loin, dans le sens que ça peut devenir destructif pour la personne de la façon que ça va être apporté. Par exemple, une consommation excessive d'alcool, une consommation de drogue, des jeux de hasard, du vandalisme, de la prostitution. Donc, les deux côtés de la médaille font que si on regarde, par exemple, une socialisation, ça peut être bien. Sauf qu'une socialisation dans le cadre d'une gang de rue, on se retrouve dans un côté plus péjoratif de la situation. Pas bien ça, les enfants. C'est pas bien, mais ils sont à l'école. Non, mais je dis ça à ceux qui font l'école buissonnière, qui s'enlignent pour être dans un gang de rue. Avec leur bandana. Oui, toi, on s'adresse justement à toi ce matin. Les bananes en bandana. Celle-là était facile. Mais celle-là, c'était, je pense qu'elle l'a trouvé drôle. Moi, tu me parles de bananes, je trouve ça drôle, peu importe c'est quoi. Bon. Fait que pour bien comprendre le loisir, comme n'importe quel concept, il faut savoir comprendre les extrêmes. Donc, soit ceux qui participent pas du tout, ou soit ceux qui participent de façon excessive et que ça peut en être néfaste. En fait, si je peux vous faire un petit historique de l'évolution du loisir déviant. S'il te plaît. Ça vous tente ce matin? Ben oui. Tout a parti du fait l'évolution industrielle qu'on avait déjà parlé, quand les gens ont dû quitter le milieu rural, se sont dirigés vers les villes parce que c'est là qu'il y avait de l'emploi. Là, ils se sont retrouvés qu'ils étaient plus dans un... ils suivaient plus le temps des saisons, le temps cyclique, le temps de la nature pour vivre. Le temps des cerises. Le temps des cerises. Mais ils étaient rendus à suivre le temps mécanique. Donc, tout était géré par la montre, ouais. par le temps aux minutes près. Et les gens, dans ce temps-là, c'était « si tu veux pas la job, prends-la pas, il y a quelqu'un d'autre à la porte qui l'attend ». Fait que les gens se tuaient à l'ouvrage, si on peut dire ça comme ça, travaillaient des 14, 15, 16 heures par jour. Les gens n'avaient pas de temps libre tant que ça. Et quand ils se sont retrouvés dans l'ère industrielle à une normalisation de la situation, les normes du travail et tout, les gens se sont ramassés avec du temps. Mais qu'est-ce que tu fais avec des capsules de temps libre quand t'en as jamais eu dans ta vie? Tu tombes dans de l'excès. C'est pas juste tu vas prendre un verre à taverne. Si t'es à taverne, t'as rien à faire. Fait que tu vas boire jusqu'à temps que t'aies besoin de retourner au travail le lendemain matin. Fait que c'est une grosse partie de d'où est parti le loisir déviant. Puis, l'adaptation du temps a fait en sorte que là, on en, ben, ça s'est normalisé. Il y a moins de ce genre de pratiques-là. Mais c'est mal, parce que c'est aussi mal perçu dans la société, c'est des excès. Sauf qu'il y a eu un temps où est-ce que c'était normal, enfants, adultes, tout le monde, la taverne, les jeux de hasard, ils occupaient leur temps, ils trouvaient juste un moyen de ne pas rien faire. Maintenant, on se calme parce que surtout, c'est moins bien vu en société. Et les raisons qui poussent les gens à pratiquer le loisir déviant, ce serait beaucoup soit une pression par les pairs autour de toi. Voyons, viens-t'en avec nous, là. C'est rien de grave. Ben fait que tes amis ou ceux que t'aimerais qu'ils deviennent tes amis. Ouais, donc, une pression par les pairs, une pression pour faire partie de la gang. Ça peut être aussi par ennui, comme je disais tantôt, les gens qui n'ont rien à faire, ils s'occupent. Oui. Fait qu'ils s'occupent, ça peut être déviant. Tu peux être dans plusieurs catégories, alors? Oui, tu peux être partout, Mathieu. Bon. Ça peut être aussi la recherche de sensations fortes, de sensations extrêmes, d'avoir l'impression que pour une fois, tu pourrais essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose d'incontrôlable. Mais on se retrouve dans des cas de jeu du hasard, mm-hmm. où est-ce que tu perds plus que d'autres choses, mais les gens disent « Ah ben moi, je suis rendu à mon tour. Pas réussir. Oh, » ouais. Parce que j'ai calculé, puis là, ça... C'est déjant, moi, ouais. C'est ça. Et il y avait, dans l'étude que j'ai lue, deux types de dommages qui étaient causés par le loisir déviant. Les dommages qui étaient causés à l'individu qui le pratiquait et les dommages qui étaient causés sur la société. Les dommages qui étaient causés sur l'individu, en fait, ça regroupe l'individu et ses proches. Parce qu'une personne qui s'auto-détruit, ça peut être, par exemple, par une consommation excessive d'alcool, par une consommation excessive de narcotiques, qui disait que c'était le loisir déviant le plus répandu au monde. Oh, wow! Oui. Ben, faut pas oublier le loisir des viandes aussi, là, ceux qui mangent vraiment beaucoup de bacon. Ouais, les petites viandes froides, tu les pressées. Donc, pour ceux qui avaient peut-être pas compris, j'ai pas dit de viande, j'ai dit des viandes. Des viandes, d'accord, excuse-moi. Ah, OK, l'eau en bouteille. Là. Ah, oui! Oui! On voit la source de cette blague. Ah, la source! Non! C'est drôle de faire des chroniques, genre, scientifiques avec des niaiseries tout le long. Il y a quelqu'un qui nous réécoute qui n'a aucune conscience du message central. Bref, aujourd'hui, je parlais du loisir déviant. Puis, comme je disais, il y a la personne qui le pratique, par exemple, une consommation excessive d'alcool, de narcotiques, mais ça affecte, veut pas, malgré cette personne-là, ses proches, sa famille, ses amis, qu'il voit dépérir, qui ont l'impression de pas pouvoir l'aider. Donc ça, c'est le côté plus... personnel du dommage. Sinon, le deuxième était le dommage pour autrui et il parlait beaucoup de dommages au niveau de la communauté, de la société. Par exemple, le vandalisme. Le vandalisme, la personne qui décide par un loisir déviant de briser des choses, de voler des choses, de faire du grabuge, nuit à quelque chose qui appartient à la collectivité. Oui. Mm-hmm. Mettons qu'il boit beaucoup de vin, il va faire un vin et dommage à la place de exactement, vin et fromage. Ça, ouais. Exactement. Si justement, s'il nuit à autrui, ça va à l'encontre des loisirs des viandes, là, avec le bacon, parce que t'attaques le bacon. Ça. Oh. Un matin, on est en feu. Je pense que je vais toujours le faire à cette heure-là. On dirait qu'on respire. On est rendu allumé à cette heure-là. Ouais. Fait que le côté dommage à autrui, eux, ils pensent juste à ça. Aïe. Non, mais c'est correct. On a 2 heures ce matin pour faire la chronique. Ben c'est ça, il n'y a aucun problème. Une autre panne de courant peut-être va nous empêcher de faire la fin de l'émission. Mais ça, on ne sait pas. Puis dans le loisir déviant, par exemple, quand on parlait de vandalisme, on ne parlait pas de quelqu'un qui, ben, par usure des installations, va le briser. Vraiment, une volonté de briser ce qui t'appartient pas, de briser des clôtures dans des parcs, de faire des graffitis. Ce qui fait que c'est la communauté qui en écope parce que ces installations-là seront plus utiles. Ben on pourra plus les utiliser. Et c'est qui va payer pour? Ça va être la société par le biais des impôts et autres. Donc, au final, tout le monde en est perdant. Bon écope, bad écope. Tout le monde en écope. Bon cop, bad cop, là-bas. Ouais. Non. Puis, non. Pas pour donner un exemple aussi du loisir déviant, là, les enfants sont à l'école ou sont couchés, fait que c'est correct, on peut en parler. Il parlait de la sexualité. Puis il disait, il y a trois rôles que peut avoir la sexualité dans la vie. Wow. Ça pourrait être la procréation, ça pourrait être le développement de liens sociaux avec autres, développement de relations intimes, ça peut être la recherche du plaisir. Ça, c'est correct jusque-là. Après, si on prend le même sujet, le même concept, puis on y va déviant, là, on va parler de prostitution. Mm-hmm. On va parler de pornographie. Donc, tout élément peut être à l'extrême ou de façon mal tournée, viré en loisir déviant. On n'en est pas à l'abri. C'est un peu le même principe de quelqu'un qui fait du sport, mais de trop haute compétition qui se brûle, tu sais, qui a l'impression qu'il est rien parce qu'il n'a pas réussi sa dernière compétition et que là, ça en devient malsain. Ouais. Exactement. C'est dès que ça devient obsessif au niveau de la pratique. Donc, au niveau de la conclusion, on peut pas dire qu'il y a de bons ou de mauvais loisirs. C'est vraiment une question de, comme on disait tantôt, de l'excès dans la pratique, de l'obsession dans la pratique. Ça prend un équilibre. Parce qu'on peut pas dire sur une échelle de 1 à 10, il faut que tu le pratiques à 2, il faut que tu le pratiques à 3. Ça dépend des individus. Il y en a qui ont un niveau dans le sport compétitif qui est correct. Mais c'est quand c'en est malsain pour la personne, c'est quand les idées tournent autour de ça et que là, ça vire « parce que j'ai pas réussi ma compétition, je me retourne dans l'automutilation ». Tu sais, tout peut mal virer. Tu sais, prendre une brosse, c'est pas grave. Dépendre de cet alcool-là, c'est une autre chose. Donc, c'est ce qui faisait le tour du loisir déviant un matin. Wow! Une bonne chronique! Rempli de blagues, j'espère qu'on ne pas trop nuit. Ben non. Ben non. Ben non. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine, jeudi. Oui. À 8h, ta case régulière, originale. Oui. C'est ça? Plus de bonheur. 8h. Nous, moins en forme, moins de blagues plates. OK, ben là, 8h30 de bord. Ouais, 8h30, c'était cool. Non, mais 8h. Et je prise. Et donc, merci, Marie-Laurence. Ça fait plaisir. Et bon, UQTR spectacle ce soir. Oui. À 20h. Non. 19h30, 19h45. Je vais tout dire ça. Okay, vas-y. UQTR en spectacle ce soir à 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Les billets sont 12$ à la porte. Il en reste encore. Et pour vrai, venez encourager le talent de la relève. On a vraiment des bons numéros. C'est animé par deux de nos joueurs aussi de la Ligue d'improvisation universitaire, Philippe Grenier et Alexandre Zwicky. Donc, ça promet toute une soirée. Donc, même l'entre-numéro va être bon. Ah oui. Ça va de gauche puis ça va de droite. Puis en plus, dans les numéros hors concours, on a un numéro du QTR en spectacle, un numéro de cégep en spectacle et un numéro des talents de la relève par le biais du secondaire en spectacle. Non, c'est qu'il n'y a pas encore primaire en spectacle. Ben, ok, je vais m'en occuper, je vais le développer. Ah oui, come on, travaille. Puis si je peux juste faire un petit parenthèse. Cette année, pour UQTR en spectacle, on a décidé que notre tête d'affiche seraient les bénévoles. Ah. On a décidé de tourner le spotlight vers les gens qui travaillent habituellement dans l'ombre, qui travaillent, qui donnent de leur temps, de leurs compétences, de leur énergie et qui se font remercier, se font valoriser, mais ils ne sont jamais devant les spotlights. Ils sont dans les coulisses. Ça a failli échouer avec la panne de courant, par exemple. Oui, ben, c'est ça, mais là, on les met dans le spotlight. Parce que tous les spotlights étaient à UQTR en spectacle. C'est vous qui avez le court-circuité. Ouais. Moi, j'ai fait off UQTR et j'ai tout amené ça. Donc, les bénévoles du QTR en spectacle. Les bénévoles seront les têtes d'affiche. Donc, c'est vraiment le fun. C'est un beau concept. On a une belle équipe de bénévoles dévoués qui est avec nous toute la journée ce soir. Et reste avec nous parce que tantôt, à 9h, on va recevoir les derniers participants du QTR en spectacle. Exactement. Ça s'en vient dans une quinzaine de minutes environ. Merci encore, Marie-Laurence. Merci à vous. Pour l'instant, on s'en va entendre Samantha Savage-Smith. Si vous vous donnez trop dans votre passe-temps préféré, vous allez vous brûler. Donc, voici It's a Burn au 80 FM. C'est fou. ce vieux tableau et range-le dans un coin. Recommence à zéro, ça ira mieux demain. Refais le monde plus beau avec tes coups de pinceau. Surtout pas ces défauts, ceux qui nous ont choqués, ceux qui nous ont blessés. Efface tout ça et recommence. N'oublie pas la couleur. Disparaître les fusils, rire les enfants à la hauteur de ton talent. Détruis toutes les peines, trace la ligne du bonheur et fais la zigzag qui dirige à vers ton cœur. Ne retourne pas chercher le noir, il est perdu, je n'en veux plus. N'oublie pas la couleur. Ground. N'oublie pas la couleur à Assemblage Requis. J'aimerais bien qu'on puisse commencer une autre chronique, mais on n'a pas le temps avant que les gens d'écouter en spectacle arrivent, donc on va déjà retourner entendre une autre pièce. On n'a pas le temps. Ben oui. C'est ça. Mais c'est toute bonne nouvelle pour vous parce qu'on va écouter Fontarabie. Ah, OK. Là, tu me consoles. Ça change tout, là. Oh oui, c'est bien meilleur que toi. Merci, c'est l'extrait du palmarès Fontarabie. À l'instant, voici Vent Blanc au 89 FM. Je te dis ça avec amour, Mathieu. Oui, c'est vraiment apprécié. Quand la nuit tombe sur ton Fontarabie et la pièce Vent Blanc, Assemblage requis. On prend une petite pause. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis une dizaine de minutes, mais vous allez voir qu'on va parler pour le reste de l'émission avec les gens de QTR en spectacle tout à l'heure. C'est dans quelques instants à votre émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Restez avec nous. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en ce jeudi matin 19 février 2015. Elle s'appelle Stéphanie Paradis et moi c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants ce sera UQTR en spectacle. Avant ça on écoute Harmony Rocket de Caravane tout de suite sur C'est fou. 89.1. Caravan et Harmony Rocket, Assemblage requis. C'est la troisième fois qu'on le fait, la dernière d'ailleurs, parce que l'événement a lieu ce soir. On reçoit des gens du QTR en spectacle et pour manier tout ça de main de maîtresse, avec son maître puis frapper ses doigts de monde, c'est Laurence Gagné qui s'occupe de l'épreuve d'émission culturelle au jeu de la com, qui s'occupe de tout ça. Et je te laisse la parole, Laurence. Oui, merci. Aujourd'hui, on a trois personnes qui vont venir nous visiter en studio et on commence avec Yannick Hamel, étudiant en BES. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Donc, tu participes ce soir à UQTR en spectacle avec un retour sur un classique français. C'est bien exactement, ça. Exactement, oui. Quel est ce classique? C'est « Casser la voix » de Patrick Bruel. Ah, on connaît tous bien ça. Ben, exactement. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien le fun de le revoir adapté à ma sauce. Adapté à ta sauce? Québécoise. On... Oui, donc qu'est-ce que ça change, ça, une sauce québécoise à Patrick Bruel? Je vous dirais que c'est peut-être le type, c'est plus, c'est rendu un petit peu plus blues. La voix est pas tout à fait aussi pop que Patrick Bruel peut la, l'envoyer à ses fans, à son public. Donc, je pense que c'est surtout ça. Donc, toi, Yannick Hamel, ton parcours musical, c'est quoi? Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la musique? J'en fais depuis que j'ai 5 ans. J'ai commencé en piano à 5 ans, puis j'ai commencé après ça le chant à 11 ans et demi, en arrêtant le piano parce que je voulais un petit peu voir d'autres horizons musicales. Puis là, ben, j'ai assemblé les deux. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser tout ce que je connais pour faire de quoi d'encore plus cool. Et c'est d'ailleurs ce que tu vas faire à écouter en spectacle. Il y a du piano aussi dans ta performance. Exactement. On fait tout en solo, piano, chant, puis une personne. Ça vient de où ton amour pour la musique? Est-ce que tu viens d'une famille de musiciens? Oui, ça vient de mon père. Mon père est bassiste. Fait que depuis que je suis jeune, il a toujours joué de la musique. Son plaisir, c'est de s'acheter une guitare, de la repatenter, de l'essayer, puis de la revendre. Donc, toute ma jeunesse, j'ai toujours croisé des guitares, puis des instruments de toutes sortes. Puis pourquoi tu décides que c'est le piano? Mais est-ce que c'est toujours le piano, en fait, que tu utilises maintenant dans tes performances, et pourquoi? En fait, non. Je utilise aussi la guitare, mais je suis plus habile au piano. Okay. Puis là, étant donné que j'ai fait 3 fois cégep en spectacle à la guitare, j'ai décidé que ça me tentait de faire un petit peu différent pour cette année, puis de voir ce que ça pourrait donner avec le piano. Super. Donc, tu viens de le dire, t'as fait 3 fois que t'es cégep en spectacle, pardon. C'est ta première fois que t'es en spectacle? Exact. J'imagine que t'avais aimé ton expérience avec cégep en spectacle. Oh oui, j'avais adoré. Ça a été trippant. Donc, pourquoi t'as décidé de refaire cette année que t'es en spectacle? T'as voulu continuer? Exact. J'ai voulu continuer un peu le parcours, puis pouvoir me défoncer, puis pouvoir. Tu sais, je trouve toujours que c'est un beau projet, puis ça permet justement qu'on puisse se faire voir les artistes de même qui sont émergents, qui sont pas des artistes pop super connus de tous. Ça nous donne une chance que le public puisse nous voir. Oui, effectivement. Et comment qu'on se prépare à un spectacle comme ça? Est-ce que ça fait plusieurs semaines que tu prépares ton numéro, que tu pratiques? Ah ben oui, il faut pratiquer parce que sinon, t'arrives en show puis oublier le texte, tu te sens assez nono qu'il faut que tu te donnes pendant... Ça doit faire un bon 6-7 mois là, que je la pratique intensément pour être sûr qu'au spectacle, on soit frais, dispo et prêt à 100%. Et là, est-ce que tu commences à être stressé? C'est ce soir, 19h? Oui, un petit peu. C'est un bon stress. Un stress pour pouvoir encore plus se défoncer et donner la meilleure prestation possible. Donc, je pense que c'est ça. Là. Super. Mais merci beaucoup, Yannick Hamel. Ben, donc, on te souhaite la meilleure des chances pour ce soir à 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et on va continuer en chanson d'ici là en attendant notre prochaine invitée. Tout à fait. Et vous savez qu'on peut pas jouer de Patrick Bruel sur les ondes de C'est fou, mais on peut jouer la chose la plus pop qu'on a dans le palmarès. Voici Claude Bégin et Avant de disparaître. Au 89 FM, vous êtes à l'Assemblage Rue. Même si le ciel nous en veut, j'suis heureux comme un poisson volant. Et même si on prend les moyens d'aller où les vents nous embêtent, on passera les moyennes, les grandes et les petites tempêtes. Personne n'y échappe, personne s'y arrête. Un jour le ciel va tomber sur vos têtes. Qu'on se colle un petit peu, je te veux. C'est tellement confortable. Et quand on recommence à jouer le jeu, je me transforme en balade. Et parmi tous les autres fous, y'a nous. Puis toi, allez, je t'aime. On arrive ensemble. Les châteaux. Comme des bacs, on a échappe. Personne s'y arrête. Un jour le ciel va tomber sur nos têtes. Probablement le gagnant d'un concours d'imitateur de Karim Ouellet, Claude Bégin, et avant de disparaître, Assemblage requis. Toujours avec Laurence Gagné, qui, je crois, a laissé sa place à son collègue, dont le nom m'échappe, des Jeux de la Com. C'est quoi son nom, excuse-moi? Raphaël. Il n'y a pas de problème. Raphaël. Oui. Oui. Donc, pour les Jeux de la Com, l'épreuve d'émission culturelle, c'est exactement. Bien sûr, toi aussi. Et tu reçois d'autres participants de Culture en spectacle 2015. Oui, en fait, on reçoit là, l'équipe Promenade sur Mars. Salut, les gars. Salut, salut. Donc, on sait qu'ils sont 8 dans l'équipe, mais là, présentement, on a 2 personnes en studio avec nous. On a Anthony Richard et rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Christophe Girard. Sinon, je vais nommer là, les autres participants dans l'équipe, là, juste pour leur faire un petit coucou. Donc, bon, Anthony Richard, Kim Saint-Amand, on a Stéphanie Trahan, Catherine Lorrain, William Rondeau, Christophe Girard, Pénélope Cyr et Ludovic Lesage-Haines. Donc, on les salue. Et maintenant, les gars, j'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés, là, l'équipe de Promenade sur Mars. Ben, en fait, c'est moi l'instigateur du projet. Les 7 autres personnes qui sont avec nous, en fait, c'est comme moi qui les a rassemblés autour du même numéro. Là. C'est moi l'élément qui a vraiment tout mis ça en place, qui a eu l'idée. C'est un peu comme le noyau du groupe. Ok, ça. Vraiment. Mais, certains sont des personnes avec qui j'ai déjà fait de la musique auparavant, d'autres, c'est des gens qui étudient en psycho avec moi, puis qui ont bien voulu se joindre. Numéro, là. OK. Puis dans le fond, ça, Promenade sur Mars, là, c'est une chanson de Fennback, c'est bien ça? Exactement. OK. Puis pourquoi avoir décidé d'appeler votre groupe là, comme ça? Simplement parce qu'on n'avait pas vraiment d'autres idées de. OK, vous avez voulu prendre notre groupe. Ben oui, c'est ça. Là, on trouvait que ça disait tout là, dans le nom. Là. C'est d'y aller simple. OK. Ouais, ouais. Puis est-ce que vous pouvez me parler un petit peu là, des instruments, de toute la fonctionnalité là, du spectacle? Là, qui va jouer quoi? Quel instrument? Ouais, dans le fond, il y a 3 voix dans cette chanson-là qui vont être faites par Catherine Lorrain, Stéphane Trahan et Kim Saint-Amand. Il y a Christophe à ma gauche qui fait la guitare, il y a William Rondeau qui fait la basse, il y a Pénélope et Ludovic qui font des saxophones, et puis il y a moi qui fais du piano au début de la chanson et du drum dans la deuxième moitié de la chanson. Ça va être assez varié, ouais, je pense. Okay. Puis est-ce que justement, là, être 8 dans le groupe, ça a été quand même difficile là, pour soit les rencontres, là, pour les pratiques, ou juste l'ambiance là, de groupe? Est-ce que ça a été difficile? Ben, je vous dirais que oui, parce que officiellement, la première pratique qu'on a eue tout ensemble, c'était à la générale. Donc, on n'a pas pu pratiquer tout ensemble avant ça. Okay. Ça a été des petites pratiques, on va dire, de petits groupes. Parfois, c'était juste les chanteuses. Parfois, c'était juste moi, Anto et le bassman. Donc, oui, ça a été assez difficile pour les rencontres. Et après l'audition, on a eu seulement une pratique avec tout le monde ensemble, qui était cette semaine, au début de la semaine. OK. Puis moi, qui n'ai pas un grand connaisseur en musique, là, comment vous faites pour prendre tous les instruments puis faire une harmonie avec ça? Comment ça fait pour bien fitter ensemble? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ouais, ben en fait, c'est moi qui ai écrit les partitions de toute la chanson. Là, on n'a pas cherché les partitions déjà écrites en tant que telles, mais j'ai comme repiqué la chanson, puis j'ai écrit les partitions de voix, les partitions de saxophone, puis tout. Fait que voilà, on s'est vraiment affié sur la chanson originale pour essayer de faire une interprétation la plus fidèle possible à la chanson de Fennback. OK. Est-ce que c'est votre première participation à une UQTR en spectacle? Pour moi, oui. Pour Anthony, non. Il l'a déjà fait l'année passée, si je me trompe pas. Ouais, l'année passée, j'étais seulement avec Kim, qui chante dans notre numéro, puis c'est nous qui avons gagné la première position. OK, bah, félicitations. Ben, merci. On espère encore une première place cette année, j'imagine? J'espère. On espère, ouais. Êtes-vous stressé un petit peu? Un bon stress, je vous dirais. Ouais. Un stress positif. OK. Puis est-ce que vous êtes le genre de groupe là, qui pratique, mettons, un petit peu avant, puis après ça, ça en va en show tout de suite? Ou vous êtes le genre, on déstresse, on fait juste prendre du temps libre pour nous autres, puis après ça, on va donner le 100% sur la scène? Je pense que ça dépend de qui dans le groupe. Probablement que moi, puis Anto, on serait du genre à justement pas trop se stresser avec ça, puis peut-être pas pratiquer avant. Les chanteuses, eux autres, par contre, c'est une autre histoire. Probablement qu'ils vont se voir un peu avant et réviser quelque chose avant. OK. Ouais, parfait. Fait que je vous dis un gros merde pour ce soir. Donc, on va vous voir, laisser ça sur les planches du cégep de Trois-Rivières ce soir pour UQTR en spectacle à partir de 19h. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Parfait. Ben, bonne chance, messieurs. Ben, merci à toi. Beaucoup. On prend une petite pause à la Radio-Canada de juste monter le fond pendant 30 secondes, puis on revient avec les animateurs, l'animateur principal du UQTR en spectacle dans quelques instants. Bonjour à Assemblage Requis, on est toujours avec Laurence Gagné et Raphaël des Jeux de la Com, de l'épreuve d'émission culturelle. Et on reçoit maintenant l'animateur du théâtre spectacle, donc je vous laisse faire tout ça. En fait, ils sont deux animateurs pour bien changer, pour être sûr de bien dire la bonne chose. Là. on est présentement avec Alexandre Aramis-Wiki, mais tu animes avec Frédéric... Avec Philippe, Philippe Grenier, oui, exactement. Voilà. On est un duo, se trouve à être deux hémisphères, et puis on va vous présenter un dialogue intérieur sur scène. Attends, là tu viens de piquer ma curiosité, j'imagine que tu peux pas nous dire tout, mais comment ça deux hémisphères? Ouais, c'est ça, ben on avait envie de faire quelque chose de funky, on avait envie de rentrer littéralement dans la tête du spectateur, et plutôt dans la tête de l'animateur, vous montrer les dialogues qui sont en permanence dans notre tête. Et c'est ça, fait que ça risque d'être quand même assez funky, un peu ésotérique aussi, ça on l'avoue. Mais ça a été quoi, dans le fond, le processus avant de penser à ces deux hémisphères-là? Ça, légalement, j'ai pas le droit de t'en parler. Par contre, non, mais c'est parce qu'à la base, Philippe et moi, on est deux amis de longue date, depuis quelques années quand même, on se connaît. Et on a des tempéraments qui sont complètement différents. Donc moi, comme vous avez peut-être pu remarquer, je suis un peu effervescent, je suis un peu sur mon nuage, Philippe est quelqu'un qui est quand même un petit gars sérieux, tu sais, pas coincé, mais sérieux. Puis on voulait jouer avec ça, on voulait y aller avec nos caractéristiques naturelles. Et ça, à un moment donné, j'ai eu le flash. J'ai dit, ben, tu sais, si on était chacun un hémisphère du cerveau, puis parce qu'on est en constant dialogue avec soi-même dans la vie, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire sortir tout ça sur scène, t'sais. Et moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez pratiqué longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus... parce qu'on te connaît bien, là, tu fais de l'improvisation. Est-ce que c'est plus improvisé ou vraiment vous avez un dialogue que vous avez appris, que vous avez pratiqué? Je me suis surpris, puis on s'est surpris à écrire des textes. donc, qui sont là. J'ai découvert un programme qui s'appelle Celtics, soit dit en passant, donc qui est vraiment génial pour écrire des dialogues. Et puis, fait qu'on a écrit des textes. Par contre, on se connaît très bien, puis on sait que le plaisir vient avec l'improvisation aussi. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on part de ces textes-là qui sont quand même très bien structurés, mais on s'est donné la contrainte de ne pas les apprendre par cœur puis de garder le feeling finalement. Faut dire que Phil, qui est plus cartésien, lui avait tendance à vouloir l'apprendre par cœur, et c'est là qu'on était en dialogue intérieur aussi. Toujours en dialogue. C'est ça, exact. Souvent, puisque Laurence parlait d'improvisation, là, on sait qu'en improvisation, des fois, il y a le texte qui peut être drôle, mais également les gestes. Est-ce que vous axez plus sur justement le texte que vous avez écrit pour faire rire le public ou pour les amuser? Ou plus vers votre performance au niveau physique? Ben, il faut dire qu'on se permet une certaine latitude au niveau physique. Tu sais, déjà en partant, en tout cas, si vous êtes là, je vais pas voler de punch quand même. Non, là, non. Vous allez voir que physiquement, on a des attributs qui sont assez bien définis. et donc, on va prendre plaisir à bouger quand même avec des caractéristiques, encore une fois, qui nous sont propres. Je pense que le texte, on s'est amusé dans les mots. On a essayé de pousser la réflexion au-delà du premier degré. Tu sais, on a essayé on veut faire cogiter justement notre public, mais je pense que physiquement aussi on est deux joueurs qui sommes à l'aise avec le jeu physique, donc Donc, je pense que ça va se ressentir sur scène. En tout cas, on a bien hâte de vous montrer. Bien, on a bien hâte de voir aussi parce que c'est ça, nous, on se connaît. Là, je connais ta personnalité. Habituellement, c'est toujours assez explosif. Donc, j'imagine que ce soir, ça le sera aussi. D'après moi, même que ça va être un numéro en soi, là, votre animation. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr que je pense que ça va être assez intéressant. Puis nous, c'est quelque chose qui se suit de petite capsule en petite capsule. Mm-hmm. Donc, je pense que le public, le public va être entraîné un petit peu par ça. Et voilà. En fait, je pense vraiment que ça va être une belle occasion de mettre son cerveau à off, de regarder le cerveau de l'animateur qui se trouve à être deux personnes à on. Fait que je vous dis, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que c'est ta première participation là, à UQTR en spectacle? À UQTR en spectacle, il y a... Là, ça me vieillit un peu, mais il y a quand même quelques années, j'ai un ami qui animait puis qui m'a dit hey, « Veux-tu venir faire un petit morceau, un petit sketch? » Lui, il s'était fait, je pense, un bucket list, un paquet d'affaires qu'il voulait faire sur scène. Puis notamment, il voulait reprendre un sketch de Ding et Dong. Et donc, j'ai déjà participé à l'animation le temps d'un sketch avec Ding et Dong. Donc, c'était intéressant aussi, parce que ça, c'est deux personnes assez funky qui se retrouvaient. Voilà, donc, ouais. Une chose est sûre, pour parler de toi un peu et moins de votre duo, là, mais pour toi, c'est peut-être juste ta deuxième participation à UQTR en spectacle, mais tu es très impliqué. Comme on disait tantôt, tu fais de l'improvisation. On t'a vu déjà plusieurs fois l'animer un peu, plein de choses. Tu es souvent à l'avant des activités étudiantes ici à l'UQTR. Oui, c'est quelque chose qui... je me dis tant qu'à être à l'université, pourquoi pas s'impliquer? Je pense que c'est ça qui est... à la fin, oui, c'est sûr qu'on va se souvenir de beaucoup de notions qu'on a apprises. Je veux dire... Non, je ne sortirai pas mes théories. Mais je veux dire, on va se souvenir de beaucoup de choses, mais l'implication, je pense, fait qu'on a une expérience complète à l'université. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est l'UQTR en spectacle en tant que tel. Je pense que c'est vraiment une occasion magique de voir des gens qui étudient dans des domaines qui sont souvent diamétralement opposés, mais qui ont une pratique artistique. Donc, c'est pour ça que je trouve ça magnifique comme occasion. C'est pour ça que pour nous, c'est un défi vraiment plaisant de je trouve que c'est très bien dit. C'est une belle métaphore. Toujours des bons propos diamétralement. Ouais. c'est très bien amené, effectivement. Donc, si on veut bien comprendre, là, vous allez être là tout au long de la soirée. Vous allez, entre chaque numéro, faire vos petites capsules qui vont se suivre là, avec vos espèces de dialogues de deux hémisphères. Donc, tout le temps en présentant là, les prochains numéros. Oui, exactement. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Ouais, si tu pouvais résumer l'ensemble de tes numéros par un mot, ce serait lequel, à part diamétralement? Oui. Pardon. C'est... Je pense que je dirais, ça va être effervescent. Hein? C'est un mot que j'ai déjà utilisé pour qualifier. Ça va être effervescent, ça monte vers le haut, un petit peu dans tous les sens. Puis, mais je vous dirais que Philippe dirait sûrement que c'est pas ça. Il dirait sûrement structuré. Puis là, je dirais que c'est sûrement un gars plat. Puis là, il commencerait à me donner des taloches en arrière de la tête, puis ça finirait. Ça lui donne une idée des deux hémisphères. Ça ressemble à ça, c'est ça, exactement. Ouais. Pareil, on te remercie beaucoup. Puis tu vois, je ris déjà. Donc, on a déjà hâte de te voir ce soir à 19h au théâtre du cégep de Trois-Rivières. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi. À ce soir. Merci. Donc, on rappelle, c'était la dernière fois qu'on faisait les entrevues, parce que c'est ce soir, l'UQTR en spectacle à 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Donc, on va avoir sept performances d'artistes tout autant talentueux les uns que les autres qu'on a tous reçus ici. On vous remercie de nous avoir reçus, c'est fou. Merci, ouais, merci Laurence, beaucoup. Merci Raphaël. C'est super de vous avoir en studio. Vous revenez quand vous voulez. Super. UQTR en spectacle 2015. Plus d'informations sur Internet? Oui, exactement. On a la page Facebook, en fait, là, de UQTR en spectacle, qui est très active présentement, évidemment, parce que c'est ce soir à 19h. C'est le moment. C'est là que ça se passe. Merci à vous deux. Merci à toi. Bonne journée. Il nous reste vraiment quelques instants à Assemblage requis avant de laisser la place à Génie en liberté. Donc, on va terminer l'émission ici. Oui, c'est comme ça que ça se termine pour cette semaine. Ah, je sais. Ça finit vite, là. Je pleure en direct du micro magique. Entends-tu mes larmes couler? Il coule plus fort, on dirait, dans le micro magique, tes larmes. Je sais pas si c'est juste moi. Donc, restez à l'écoute. Comme je le disais, Génie en liberté s'en vient à 9h30. Suivra à 11h le dîner de con avec Danny Janvier. Ça, c'est l'émission qui joint l'inutile à l'agréable, comme on dit. Mm-hmm. À 16h, ce sera David Ferron avec Palmarès du monde. Ensuite, à 17h, une rediffusion du Mathieu Planchot. Et puis, finalement, à 21h, c'est Radio Sonic avec, entre autres, Stéphane Corriveau, avec qui j'ai co-animé la Lime mardi soir. Oh! C'était vraiment cool. Hey! Radio Sonic, donc à 21h. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On remercie Marie-Laurence Audet. Oui. Bon, ben ça. Les gens l'écouteurs en spectacle, on vient juste dire merci. Ça serait redondant. Merci, Mathieu. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Passe une belle fin de semaine. Ben, pareillement. Ça, il serait chien de... Ce serait chien de me dire... Non, toi, on s'en fout. Et on se quitte avec une chanson appropriée pour UQTR en spectacle, parce que cette soirée-là, elle est pour tout le monde, pour les jeunes autant que les vieux. Donc voici Young, Old and Everything in Between. Billette Maginot, puis on se retrouve lundi à 6h30. Bye bye. be back by the evening. But something to stand by. Tell me what am I missing? Tell me what's going on. They're getting closer to my door. I'm afraid if they keep coming, I won't be able to hold on anymore.